Quelques phrases univides, civiles et stupides. Je me demande pourquoi que les fêtes, pour bourrer la casette, je change de fête. Une chanson par choc, pour que nul ne se choque, qu'il se moque, pour ne pas qu'elle dérange. Je montre patte blanche, je vide mes manches, page noire à tourner, une histoire à vomir, incolore, inodore. Un auditeur s'endort presque mort, elle ne cause aucun stress, elle est née par paresse de mon esprit amorphe. J'éjecte quelques strophes, j'implore votre clémence si vous perdez patience. Moi-même en l'écrivant et en la chantant, fusilla du néant, ça rime pour rimer, des vrais vers de pied, mais les vers populaires ne restent pas solitaires. Aïe, la durée.